une histoire particulière. On l'appelle le pays des journaux, c'est l'Allemagne. Selon la Fédération allemande des éditeurs, les journaux imprimés et numériques touchent chaque jour les trois quarts de la population germanophone. Quotidiens, hebdomadaires et journaux du week-end ont ensemble un tirage de plus de 18 millions d'exemplaires, auxquels viennent s'ajouter les magazines grand public et les revues spécialisées comptant plus de 5000 titres. Avant la réunification, la RDA avait 38 journaux quotidiens. Aujourd'hui, Marie Chartron et Yvon Croisier reviennent sur la mémoire douloureuse de l'ancienne RDA et nous racontent l'histoire singulière d'un ancien quotidien. Denn wir sind alle zugleich siegreiche Konformisten und besiegte Opponenten. Car nous sommes tous à la fois des conformistes vainqueurs et des opposants vaincus. Berlin, cette nuit, les portes s'ouvrent. Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'est comme à l'ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle. Sur place à Checkpoint Charlie, l'un de nos envoyés spéciaux, Gérard Cher. La surprise a été complète, la stupeur totale, la joie débridée, une libération physique mais aussi une libération des esprits. Il fallait les voir pleurer, ceux qui passaient la frontière de l'Est timidement sans oser y croire. Il fallait voir cette solennité de certains incrédules même lorsqu'ils étaient arrivés à l'Ouest. Il fallait entendre les hurlements de joie des milliers d'Allemands de l'Ouest massés à la porte de Brandenburg ou à Checkpoint Charlie. Les ovations pour accueillir ceux qui depuis 28 ans étaient enfermés. Ils sortaient et ils regardaient la foule, ils regardaient la pagaille des voitures. Ils appelaient à l'aide des agents débordés. Où est le métro? Où est le Kurfürstendamm? Combien coûte une bière? De la bière, on en a bu pas mal cette nuit, et du vin, et du champagne, ou du schnapps. On s'est enivré, c'est vrai, à Berlin, mais ce qui saoulait le plus, c'était l'air vif de la liberté. RDA, souvenir de papier. Premier épisode, Die Andere, un journal en révolution. Marie Chartron, Yvon Croisier. Le mur s'ouvre, le pouvoir est à bout, il ne sait plus que faire. Le 9 novembre 1989. Vincent von Wroblewski, traducteur, philosophe. Et il y a une phase de transition, il y a une phase d'anarchie, ça se voit très bien à Berlin, où il n'y a pratiquement plus de pouvoir réel. Les Berlinois de l'Ouest viennent avec leurs voitures, montrent la puissance de leurs bagnoles, ils roulent à 100 à l'heure à travers la ville ou plus. Aucun policier à l'Est n'ose dire quoi que ce soit. Ce sont vraiment des semaines d'anarchie qui se produisent jusqu'en mars. Mars 90, il y a les premières élections, il y a un nouveau gouvernement dont la fonction, c'est de mettre un terme à la RDA, d'assurer la transition vers l'Union. Derrière une façade recouverte d'échafaudages, le bureau des éditions Basisdruck croule sous les livres et les publications. Nous sommes au nord-est de Berlin, à l'écart des quartiers sillonnés par les touristes. Dans les cartons et sur les étagères, les noms de Franz Jung, Angela Roy, Lothar Trolle, de la littérature, de la poésie, de l'histoire, un travail d'édition ciselé mené depuis 1989. Et sur la table, une collection de journaux rappelle silencieusement un entre-deux singulier. Le temps d'après, après la chute du mur de Berlin. Le temps d'avant, avant l'unification des deux Allemagnes. Der Aufstand der Bevölkerung begann ja im in Leipzig. Le soulèvement du peuple a commencé à Leipzig. 70.000 avec 70 000, 100 000, 200 000 manifestants. Et à Berlin, bien sûr, nous étions de tous ces événements. Par ailleurs, je connaissais les opposants, ceux qui avaient fondé le Nouveau Forum. Et dès le mois d'octobre, j'étais de tous les différents événements. Les manifestations, les distributions de tracts. Et c'est également le nouveau forum, le mouvement citoyen le plus important, qui a fourni les conditions matérielles, les locaux, pour que nous puissions mener à bien le journal et le travail d'édition. Stefan Red, Klaus Wolfram, vous êtes tous les deux éditeurs de la maison d'édition Basistruck Verlag. Très rapidement après l'ouverture du mur de Berlin, vous vous organisez pour publier ce premier journal, Die Andere, l'autre. Pourquoi avoir choisi ce nom, Die Andere ? Il s'est passé quelque chose de très surprenant. Des journaux de ce type voyaient le jour dans toutes les régions et ils s'appelaient tous l'autre journal. Alors on a réuni tout le monde et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est simplement un titre qui était dans l'air du temps. Cela désignait tout simplement un journal autre que ceux qui existaient auparavant et qui, pour l'essentiel, presque écrivaient tous la même chose. Et ce nom, l'autre journal, cela signifie aussi que l'on ne sait pas encore exactement où on va. Et c'est précisément pour ça que nous avons créé ce journal, pour donner un espace au débat sur la route à suivre. Il ne pouvait pas avoir de titre plus précis. À quoi ressemblait le paysage de la presse auparavant ? Die Presselandschaft in der DDR bis dahin. Il est bien simple à expliquer. La RDA se divisait en 15 districts. Chaque district avait un journal. Et le journal national était Neues Deutschland, l'Allemagne nouvelle, l'organe de presse centrale du Parti communiste, qui était naturellement distribué partout. Nous nous retrouvons ici à Annette Leo, à Prenzlauer Berg, au cœur de Berlin-Est. Et vous êtes historienne et vous avez contribué au journal Die Andere. J'avais quitté en 86 le dernier journal où j'ai travaillé, c'était la Neue Berliner Illustrierte, parce que je ne voulais plus participer à ce genre de non-information et de beschönigung de la situation réelle, de la situation vraie en RDA. Ce qui m'ennuyait, c'était surtout le journalisme sur vraiment sur notre réalité en RDA et dans les autres pays socialistes. Par exemple, j'étais une fois en Roumanie pour faire un article, un reportage. Et j'ai remarqué beaucoup des problèmes économiques, aussi des problèmes politiques en Roumanie. C'était vraiment une dictature plus sévère qu'en RDA. Je ne pouvais pas écrire sur cela. C'était tous devaient être beaux, formidables et moi j'avais en ce temps-là la censure dans ma propre tête. Il me venait pas une idée d'écrire sur la dictature, sur les problèmes politiques, mais même sur les problèmes économiques qui touchaient les gens en Roumanie. Le rédacteur en chef rayé. Et c'est pourquoi j'ai quitté la rédaction. Vous parlez de censure intérieure, quels en étaient les mécanismes ? C'était tout naturel, c'était l'expérience que certaines idées n'étaient pas prononçables. J'avais l'impression que je ne possédais pas des mots pour décrire ça, parce que c'était vraiment défendu. Klaus Wolfram. Am Anfang fanden die Treffen noch in Wohnungen statt, dann im Büro. Au début, on se réunissait dans les appartements, puis dans le bureau du nouveau forum. Puis nous avons écrit au ministre-président que nous avions besoin de locaux pour pouvoir travailler sérieusement. Ging an einem Wochentag weg und wurde am nächsten Tag um Mitternacht beantwortet und da waren die Räume et da. Dès le lendemain, nous avions une réponse et un local dans la französische Straße en centre-ville, pas très loin de la grande avenue Unter den Linden. Et c'est là que le travail a commencé en janvier 90. Au début, nous avons fait un tirage de 100 000 exemplaires, immédiatement épuisés. Parce que c'était le premier journal nouveau dans cette RDA, sans dessus-dessous. Il y avait beaucoup de réunions et une rédaction en chef se formait et beaucoup de discussions sur la conception d'un tel nouveau journal. Et il y avait aussi des journalistes comme moi qui participaient, mais aussi des gens qui travaillaient avant dans le mouvement des citoyens sous le toit de l'église et qui avaient produit avant des petits bulletins d'information plus ou moins clandestins. Et il y avait beaucoup de conflits, des discussions, mais c'est normal. Nous étions tous nouveaux dans ce métier. Même les journalistes professionnels comme moi, nous n'étions pas habitués de décider nous-mêmes que faire. Die andere ist da. Die andere Zeitung ist gemeint. Wird sie wirklich anders sein? Die andere, l'autre est là, l'autre journal. Sera-t-il véritablement autre que les autres? Zumal wenn demnächst die ganz qui eux aussi ont changé ces derniers temps, aurait-il une chance? Auf den Markt der Medien drängen werden. A fortiori quand ceux qui sont radicalement autres, si hauts en couleur, les journaux de l'Ouest, s'imposeront sur le marché des médias. Question purement rhétorique, bien sûr. Nous, qui nous sommes trouvés pour faire cet autre, n'avons d'autre choix que celui d'exercer enfin un journalisme digne de ce nom dont nous rêvons depuis que nous avons embrassé ce métier et qui nous a été interdit jusqu'à aujourd'hui. Das war das Editorial, c'était Zeitung. L'éditorial du journal. Ich kann mich an diese Debatte, über die Titelgeschichte, je me souviens très bien des débats sur la première page. Das Thema unseres Geheimdienstes, der Staatssicherheit, le thème de la Stasi, nos services secrets, était aktuell. Une actualité brûlante also à l'époque. Die westdeutschen Analogien, die meinten, wenn man nur, il y avait cette grille de lecture ouest-allemande qui affirmait hätte man schon que s'attaquer aux services secrets suffirait was ja, à créer une véritable démocratie, ce qui n'est pas le cas. Encore une folle journée en Allemagne de l'Est. D'abord, l'inculpation de l'ancien chef de l'État, Erich Honecker, déjà accusé de corruption. Il sera maintenant poursuivi pour haute trahison. Procès assuré pour Honecker. Et puis, il y a quelques minutes, à Berlin-Est, une très violente manifestation. Des dizaines de milliers de personnes ont attaqué et saccagé le siège de la Stasi, l'ancienne police politique. Alain Boss. Il s'agit d'une mise à sac en règle. Les manifestants sont entrés dans un grand ensemble de bâtiments de la Stasi. Ils ont tout dévasté. Ils ont jeté des meubles, des dossiers par la fenêtre, ont écrit des mots d'ordre sur les murs comme « à bas le Parti communiste » ou « à bas la Stasi ». Ils ont brandi des drapeaux ouest-allemands. Andere, premier numéro, le 25 janvier 1990, une couverture en noir, rouge et blanc. À quel point la Stasi est-elle morte? Ça, c'est l'occupation du siège de la Stasi le 15 janvier 1990. 10 jours avant que ce numéro ne paraisse. Que des événements d'actualité. Là, c'est un article sur la table ronde, le conseil politique le plus intéressant à l'époque. On voit les groupes d'opposants assis d'un côté et de l'autre les vieux partis de gouvernement pour discuter ensemble chaque point de réforme. Comment l'éducation doit-elle être organisée? À quoi doit ressembler la médecine? Comment fait-on avec les dettes liées aux devises? Etc. Et ça, c'est un reportage, un regard sur le stalinisme. Le premier article, ce n'était pas un article, mais un interview avec Joachim Gauck, qui n'était pas encore président de l'Allemagne fédérale, mais il avait proposé que le nouveau forum doit écrire dans son programme l'unification de l'Allemagne. J'ai dit à mon rédacteur en chef du andere, alors je veux faire un interview avec Joachim Gauck. Il ne voulait pas parce que il a dit non, cette opinion ne me plaît pas parce que nous voudrions rester indépendants de la grande et puissante l'Allemagne fédérale. Et moi j'ai dit mais qu'est-ce que tu... On commence déjà de bâtir, nous bâtir une réalité qui n'existe pas. Alors, il ne me plaît pas, mais il faut absolument publier dans notre journal. Alors, il a enfin accepté. C'était une drôle de période, Annette et Léo, où le pays existait encore, mais son avenir était incertain. Et ces incertitudes se reflétaient dans le journal. Il y avait toujours les discussions aussi au sein de la rédaction. Qu'est-ce que nous font avec tous les événements qui allaient déjà envers l'unification? Et c'était un peu difficile aussi écrire sur cet mouvement, sur ce développement qui ne nous plaisait pas, mais qui était vraiment le courant majoritaire. L'Allemagne sera unie le 3 octobre prochain. Les députés est-allemands réunis à Berlin ont décidé cette nuit, après plusieurs semaines d'atermoiements, ce sera donc le 3, Gérard Schaer. Les députés de la Chambre du Peuple de RDA auront pris une décision historique dans la confusion la plus totale. Peu avant 3 heures ce matin, ils ont décidé que leur pays disparaîtrait le 3 octobre à 0 heure pour se fondre dans la République fédérale. À compter du 3 octobre, c'est Bonn qui gouvernera la partie est du pays, mais cela ne signifie pas pour autant la fin des problèmes. 15% de la population active d'Allemagne de l'Est sont déjà au chômage et le mouvement devrait s'accentuer dans les mois qui viennent. Très rapidement, vous publiez aussi un ouvrage sur l'Alstasie. Stefan Reed. Son titre, et pourtant je vous aime tous, fait référence au ministre de la Stasi, Erich Milke, qui avait fait un discours devant la dernière chambre du peuple, le Parlement de la RDA, au cours duquel il avait bredouillé cette phrase « Et pourtant, je vous aime tous ». Et ça, c'était vraiment un déclencheur, appelons ça du cynisme ou de la bêtise. Je pense qu'il a eu un peu des deux là-dedans. On a donc donné ce titre peu de temps avant les premières élections, début mars 90. Nous avions annoncé la parution du livre dans les journaux et la police a dû fermer la Friedrichstraße tellement les gens s'y pressaient. On attendait les camions transportant les livres qui sont arrivés en retard. Nous avons vendu les livres directement depuis l'arrière des camions. Le premier chargement a été vendu intégralement dans la rue et il a fallu réimprimer. En tout, on a vendu 300 000 exemplaires et cela nous a permis de continuer à publier Die Andere. C'était plutôt heureux. Après les premiers 3 ou 4 exemplaires du journal Die Andere. Il se fondait aussi quelques autres nouvelles journaux et tout à coup notre journal Die Andere avait beaucoup de concurrence et je n'ai pas encore parlé des journaux de l'Allemagne de l'Ouest qui pénétré maintenant après l'ouverture du mur. C'était vraiment une concurrence que les anderen Zeitung ne pouvaient pas tenir longtemps. C'était le déclin commençait déjà très vite à partir de l'été, l'automne 90. Mais c'était aussi le déclin d'une idée, cette idée de réformer la RDA et non de l'unir à la République fédérale. Annette et Léo. Oui, mais la force n'était plus là. Nous étions un tout petit journal entre beaucoup, beaucoup autres. Also Ende 91, Klaus Wolfram. Gab's dann noch mal fin 91, j'ai écrit un long article parce que j'estimais que c'était un problème essentiel qui s'intitulait « Le nouveau forum et la question du pouvoir ». Comment les mouvements citoyens ont-ils été écartés des pourparlers sur l'Union allemande par le pouvoir politique ? Und haben sich auch abdrängen lassen. Comment et pourquoi se sont-ils laissés écarter? C'était aussi de notre faute. Ce n'était pas simplement la volonté des autres. Ça, dans un sens, c'était bien compréhensible et tout à fait prévisible. Mais nous nous sommes laissés écarter. Au mois de mars 1991, vous publiez une liste qui a fait beaucoup de bruit. Die Bürgerkomitees, die das Ministerium der Geheimpolizei verwalteten. Les comités citoyens qui s'étaient emparés de l'administration de la Stasi, le ministère de la police secrète, et qui était installé depuis un an déjà dans cette Bastille soi-disant imprenable de la RDA, nous avaient remis la liste des salaires versés par le ministère le dernier mois de son existence. Was machen wir damit? Wir wollten dieses Staatssicherheitsthema sozusagen. Alors, on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on en fait? Offenlegung. Nous voulions clore ce sujet de la Stasi en l'ouvrant complètement. Et nous voulions empêcher que la presse de l'Ouest, par exemple le tabloïd Bild, la presse de Springer, ne s'en serve pour provoquer une campagne de dénigrement. Also die Liste war eine Liste mit 100.000 Namen, wenn ich mich recht erinnere. Stefan Reed. 89.000 sogenannte Hauptamtliche. Il s'agissait d'une liste de 100.000 noms, si je me souviens bien. Des 89 000 principaux collaborateurs de la Stasi. Et c'est la liste des salaires que nous avons publiée en la réduisant. Nous n'avons publié que les 3000 salaires les plus élevés. Nous avons cherché ceux qui gagnaient le plus en supposant qu'ils avaient un poste haut placé dans la hiérarchie. Et ce qui nous a été reproché plus tard, c'est que sur cette liste de salaires du ministère de la Sécurité d'État, il se trouvait aussi des gens qui, ont-ils dit, n'étaient pas collaborateurs de la Stasi. Certaines personnes ont porté plainte et cela a coûté extrêmement cher. Qui étaient ces gens qui ont porté plainte? Beklagt haben sich wohl irgendwie 20 Sportmediziner, die bei einem médecins Sport qui travaillaient pour le club de sport Dynamo. Un club essentiellement sponsorisé par le ministère de la Stasi et le ministère de l'Intérieur. Mais ils ont affirmé qu'ils n'étaient pas collaborateurs à part entière de la Stasi. Et comme on n'a pas pu prouver le contraire, et peut-être avaient-ils raison, ce n'est pas la question, puisque dans tous les cas, notre négligence a créé des problèmes. Ils ont su l'exploiter devant la justice. On a dû payer un petit peu d'argent. Plusieurs centaines de milliers de marques. Ça a duré des années, cette avalanche de procès. Et finalement, cela a signé l'arrêt de mort du journal. Weil die parce que la partie adverse nous a explicitement fait comprendre si on ne gagnait pas sur le fond, on pourra au moins vous saigner économiquement avec les frais de procès et d'avocat. Les finances ont fondu et cela menaçait l'édition, c'est clair. Mais d'un autre côté, je pense que la grande époque du journal était révolue. L'autre journal s'était terminé. Mais après son arrêt, nous avons rapidement constaté que nous devions continuer à publier des journaux. Et on en a fait un plus petit, qui s'appelait Sklaven, les esclaves, aujourd'hui il s'appelle Abwärts, vers le bas, la descente. Donc ce journal existe encore. Et d'une certaine manière, les pages que nous continuons de publier sont un souvenir de cette période où l'histoire était encore ouverte. Vincent von Wroblewski, vous racontez une blague est-allemande sur cette période, sur les joint ventures. Oui, c'est-à-dire joint ventures, ce sont deux entreprises qui se mettent ensemble pour produire et vendre ensemble, fabriquer quelque chose. Et ça, c'est pour beaucoup d'entreprises à l'Est qui voient bien qu'ils perdent leur marché et qu'ils ne sont pas compétitifs, etc. L'espoir pour survivre, c'est de trouver un partenaire ouest-allemand, s'accrocher à lui et ainsi survivre. Donc faire avec une firme à l'ouest un joint venture. Pour les firmes à l'ouest, ce joint venture, ça peut être une façon très facile pour avaler une firme de l'est, finalement. Donc de là la blague. Qu'est-ce qu'un joint venture ? Un joint venture, c'est quand une poule, qui n'a pas ce double sens en allemand, quand une poule de l'ouest propose à un porc, à un cochon de l'Est, de faire ensemble du ham and eggs, c'est-à-dire omelette au jambon. La poule, elle donne les œufs, elle fait son omelette, elle survit très bien. Le porc donne son jambon, ben ça, il le fait une fois ou deux, puis c'est fini. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous ressentez à l'approche des commémorations des 30 ans de l'ouverture du mur ? Et de l'unification de l'Allemagne. J'ai toujours l'impression que la perspective originelle, celle qui portait le mouvement citoyen de 1989, est complètement négligée. Nous ne sommes pas descendus dans la rue pour attirer dans une grande Allemagne, mais pour changer la RDA. Et le reste aurait été complètement absurde, à vrai dire. Alors vous vous sentez toujours comme les autres ? Ihr fühlt euch immer noch wie die anderen, dieser Ort. Logisch, ja, klar. Eh oui, logique. La publication du journal Die Andere s'est arrêtée en août 1992, au terme de 2 ans et demi de parution hebdomadaire. C'était Die Andere, un journal en révolution. Avec Klaus Wolfram, Stefan Rith, Annette Léo, Vincent von Wroblewski et les voix de Karin Oberndorfer et Doris Streibel. Merci à Anouchka Trocker. Coordination Christine Bernard avec la collaboration de Daphné Abgral. Documentation INA Véronique Jolivet. Un documentaire de Marie Chartron et Yvon Croisier. Demain à 13h30, ce sera la suite du documentaire RDA Souvenirs de papier. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.